comme la moelle, pousse la porte, tu sauras jamais vraiment ce qui t'attend. Les hommes sont faibles et les femmes le savent, mon frelon, j'ai plus peur de Satan. SO gangster et gentleman, je suis Jacques comme Mérine ou Lacan. Amédée des rois, c'est prophétique, j'ai trouvé la concu Lacan. Je me croisais dans la rue, je me trouverais certainement détestable. Et la psyché c'est très sérieux, viens pas me dire qu'avoir de père c'est stable. Les riches les défiant sur un piédestal. Et dans leur bêtise, je vois les gens se lier. Nouveau rap mondial, je vais pas rester sage, habillé par boss comme le chancelier. Je marche avec Somalien, ils comprennent pas. Et quand je marche tout seul, je suis un suprémaciste. Je sais que je dérange, j'ai des lacets rouges. Hop comme un blog ou un super marxiste. Je vois beaucoup de putes en col blanc et beaucoup de braves hommes dans l'argent sale. Tes rappeurs blancs sont castrats, moi j'arrive direct de l'Arkansas. SO le black, le respect c'est tout. La scène française, c'est les coups de mon fils que c'est pété coups. Et le rap, c'est dur. Demande à Tony Parker. Équipe Spetsnaz, mode hardcore, pas de hit marker. SO le flame, SO le Congo Bill, Django et Noco, Kemi Seba. Le Ku Klux Klan, le noir et le blanc. On fraternise avec la famille Bush dans le club bohémien. SO le flame, SO le Congo Bill, Django et Noco, Kemi Seba. Le Ku Klux Klan, le noir et le blanc. On fraternise avec la famille Bush dans le club bohémien. Dans les pyramides, on prie à l'air en méditant. La micro-puce dans vos veines comme le sang du Christ. Le jeune 40 jours est pris pour 40 nuits. Ma musique cryptée, hiéroglyphique. Dans les loges, à genoux, sur un tapis. On étudie les livres interdits. Toutes les nuits, je pars en vaisseau dans la voie lactée. Albator, Anunnaki, Israélite de Berlin, logo D. Rouge, noir, américain, Atlanta, Chicago, Queensbridge. R.E.P. Pop Smoke, Brooklyn, 9-3, Freeze, Corleone, 6-7 et G.G. Les bazookas d'Afghanistan. SO le flame, SO le Congo Bill, Django et Noco, Kemi Seba. Le Ku Klux Klan, le noir et le blanc. On fraternise avec la famille Bush dans le club bohémien. Django, Shen et Noco, Fong Bappé comme Asu et Koto. Soit le rentre, soit le touche les poteaux. Vise l'objectif sur toutes les photos. Headshot, 100 points, on les lave, shampoing. Dans mon cercle, 100 coins. Mort de pédophile, sourire en coin. Fuck ces négros, ils ont pas d'âme. SO l'auto qui lui a mort comme Saddam. Audio, Adam, j'suis le début et la fin comme Adam. 6-7, GG, commerce triangulaire. Qui lui a vie, négro, tout est pyramidal, tout est triangulaire. Équipe, SO la sec, Shen Zen et Kefri Israël. Et apparemment, on n'a pas le droit de parler de. Le gouvernement nous écoute. Corleone à chaque couche des coupes. Ça fait des sous sous le soleil, sous les gouttes. On est là pour prendre toutes les coupes. SO le flame, SO le Congo Bill, Django et Noco, Kemi Seba. Le Ku Klux Klan, le noir et le blanc. On fraternise avec la famille Bush dans le club bohémien. SO le flame, SO le Congo Bill, Django et Noco, Kemi Seba. Le Ku Klux Klan, le noir et le blanc. On fraternise avec la famille Bush dans le club bohémien.